Oh, bonjour mademoiselle. Un, ah, deux, okay, ce et un, là. Deux, trois, quatre. De longues jambes bien fines qui ne demandent qu'à vous enlacer. Un petit short moulant qui se pose sur ses formes racées. Et c'est la bimbo du quartier. Elle se moque de ce que vous pensez. C'est la bimbo du quartier. Une bouche tout en cœur qui fait son petit effet ravageur. Un regard de perdrix maquillé façon monoprix. Et c'est la bimbo du quartier. Elle se moque de ce que vous pensez. La bimbo du quartier. Elle a les ongles longs, les cheveux blonds et la nuque dégagée. Elle a les reins bien creusés, un petit cul bien bombé, circulé. Et c'est la bimbo du quartier. Elle se moque de ce que vous pensez. C'est la bimbo du quartier. La poitrine surélevée dans un grand décolleté velouté. On s'en fout complètement qu'elle soit passée par la Silicon Valley. Et c'est la bimbo du quartier. Elle se fout de ce que vous pensez. La bimbo du quartier.